rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. Je vends 10 balles en bas du bloc. Ici pas d'hirondelle, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Depuis tu me loues, tu j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit gantée. Je me sens menacé. J'aime tes conseils. T'es ma dulcinée. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce. Je te donnerai mon cœur sans souci. Je te le donnerai de toute façon. Y'a que toi dans mes pensées. L'impression que je suis bloqué. Mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire. Tu seras la merde. Même homme, toi t'es pas comme les autres. Coco Chanel Louis Vuitton, j'arrive comme un coup d'état. Monnaie, je dois faire éviter. Pour toi, je serais obligé de t'aimer en faisant attention. Tu me trompes, je deviens assassin. Le vrai est qu'une irritation, ça va finir en pension. Elle critique mon train de vie, dit que je suis criminel. Quand elle sort le samedi, je me sens privé d'elle. Je suis dans les affaires arbées, j'ai ça dans les veines. Je suis dans les vibes arbées. Je suis de la zone, bébé, tu le savais depuis longtemps. J'avais dit qu'on ferait pas semblant. J'suis dans la zone, bébé. Mais c'est plus comme c'était. Joli bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci. Joli bébé, ma douce. J'te donnerai mon cœur sans souci. J'te le donnerai de toute façon. Y'a que toi dans mes pensées. L'impression que j'suis bloqué. Mon passé me rattrape. Dis-moi à qui la faute. Y'a que toi dans mes pensées. T'as pas lâché l'affaire. Tu seras la merde, même.